que maintenant. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Planet Rap reçoit MZ. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap MZ, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine entre 20h et 21h. MZ, comment ça va messieurs? Ça va et toi? En pleine forme? Ouais, tranquillement. On tranquillement. Est à 7 jours de la sortie. J-7. Affaires de famille. Premier album. Avant la sortie d'Affaires de famille, ça va? Vous l'avez fait dans une ambiance détendue? Tu sais, j'ai envie de te dire déjà l'album. Studieuse. C'est une crème déjà l'album. On a travaillé. Ça fait plus de 7-8 ans qu'on rappe. Ça fait 7-8 ans qu'on attend cet album. Il y a eu des projets qui sont sortis. MZ Music Volume 1, 2, 3, 3.5. Et voilà. On peut dire que c'est l'album. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent? Comment on travaille un album différemment des projets qui sont sortis? On se met en tête que c'est la Ligue des Champions. Tu joues contre le Barça et cette fois-ci, Paris va aller taper, mon frère. Ah oui, c'était mode Champions League, quoi. Ah ouais, là, c'est plus le championnat. De toute façon, les gens, ils le verront le 4 mai. Donc c'est le 4 mai, c'est dans une semaine. On va pouvoir le découvrir aussi entre 20 et 21 cette semaine. Et on reviendra aussi sur le parcours de la MZ. Mm-hmm. On passera des morceaux des différents volumes qui sont sortis. Mm-hmm. Et on vous a préparé aussi un petit medley. Medley de cet album Affaires de famille qui sortira le 4 mai. Voilà ce que vous allez pouvoir entendre. Alors c'est des petits bouts. Voilà ce que vous allez pouvoir entendre dès la semaine prochaine. Un petit peu avec le son de la MZ et Affaires de famille. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Comme elle est témoin de Jéhovah, j'ai besoin d'y croire. Ça peut partir en clip, pas mon plat samedi soir. On plat samedi soir. Dédicace à mes potes. Planet Rap. Partout dans la capitale, d'avoir sous mes côtes pour moi est devenu vital. Même si une fin brutale est inévitable. Kalina m'a posé des dilemmes délicats. J'ai laissé l'illégal au profit de ma force médicale. Je suis tombé pour Kalina, ce soir c'est mon jeu délicat. Planet Rap. Trouve-nous dans le ghetto complètement défoncé. Chez Chenouk, ton papa t'a dépensé. Nos flammes pourront vous apprendre à danser. Le soir on ira bien plus. Planet Rap. Patège ton gun, ce soir c'est fun. L'ambiance est bonne et je n'ai pas envie de Planet Rap. J'ai du mal à rêver, je veux me changer les idées. Viens, on prend un vol, qu'est-ce qu'on dit? À d'où le soleil d'été, détends tes farniente. Viens, on prend un vol, qu'est-ce qu'on dit? J'en vois un niveau d'inquiétude qui illuminerait des nuits de ma présence. On fera l'amour sous le clair de lune avant que le soleil se lève et que les oiseaux chantent. Yeah, yeah. Planet Rap. Je me sens comme Johnny. Planet Rap. Je veux faire du Sumba et du CO, ouais. Avec les miens, loin des soucis. Planet Rap. Chaparo. Emballez-vous, Chaparo. Planet Rap. Planet Rap. Je lui ai dit vide-moi cette caisse avant que je te pète la tête. Voilà une partie de ce que vous allez pouvoir retrouver. La crème. Ah, l'album. Le 4 mai, Affaires de famille. Le 4 mai, Affaires de famille. Et que toujours, j'ai l'impression, toujours la même équipe. Je vois toujours, au niveau des producteurs aussi, Mélo Philo qui est là. Monsieur Davidson qui est dans le coin, comme d'hab. Ouais, toujours, comme d'hab, superviser. Toujours de bonne humeur. Toujours en famille, l'équipe elle change pas. Il faut dire aussi, vous avez fait beaucoup de scènes ces derniers temps aussi. Alors, il y a eu les projets qui sont sortis, mais vous avez aussi beaucoup travaillé la scène. Ouais. Ça, c'était un moment important aussi. Ouais, c'était un moment c'était lourd. On a fait la première partie de Niro. D'ailleurs, grosse dédicace à Street Lourd. On a tourné avec Street Lourd dans toute la France. Ça avait fini par un formidable Bataclan. Après, on a tourné. Là, la semaine dernière, on était à Nantes.

Par contre, toi, si tu me trompes, je te casse la gueule. Je rigole, je m'en bats les couilles, j'en sers une autre. En vrai, il n'y a pas que des menteurs. De me feront du dégât par un autre. Et on en a la peur. Des sentiments me font peur. Et j'ai encore du peur. La MZ toute la semaine. Ouais. Deuxième extrait de l'album. Deuxième extrait. Je suis un menteur. Dédicace à Zaina qui a posé sa voix. J'avais demandé qui est la fille qui posait avec. Elle chante bien. Très jolie voix. Bah oui, il faut ça pour faire de la bonne musique. Ah, mais vous n'allez pas échapper à cette question. Qui est le plus mytho de vous trois? Ah oui. Ah ouais. Qui a inspiré ce morceau, j'ai envie de dire. Ah ouais. Il s'appelle Ah ouais. C'est lui. Un vrai mytho, mon sauce, Ah ouais. En fait, chacun a une part, en fait. Voilà, chacun a une part de responsabilité. Chacun une part de responsabilité. D'ailleurs, il y a le clip là sur internet. Là. Le clip a été réalisé par Kevin El Amrani. Avec comme figuration la mafiosa. Ça fait plaisir et on attend qu'il rentre en playlist en fait. Et ce morceau là. Allez cliquer pour la playlist, c'est le bureau en face. Voilà, cliquez, vous connaissez. Et envoyez aussi plein de messages. Tiens, bombardez de messages le hashtag MZ sur Skyrock. On le disait, c'est vrai que ça fait un petit moment que vous rappelez maintenant 7-8 ans. Ouais. Comment vous analysez votre parcours? Parce que c'est vrai, au début vous étiez plus nombreux. Il reste maintenant un noyau dur hein, de 3 MC au sein du groupe. Quelle vision vous avez-vous sur votre parcours long? Il était combatif. Le parcours, il est long, combatif, comme tu as dit, rempli de preuves. Et grâce à ce parcours, on en est arrivé à faire deux familles, de voir qui était vraiment dans la famille. Ça représente vraiment bien l'album, tu vois. Et le parcours avec beaucoup, beaucoup de progression. Maintenant, on est des hommes avertis, on est des OGs, ma gueule. Voilà. Tu veux avant, comprendre c'est quoi ça? Va pécho le 4 mai, t'inquiète. Donc toutes les réponses sur toutes les réponses sur la MZ, c'est le 4 mai. C'est le 4 mai. Voilà. Affaire de famille, tu veux savoir ce qu'est la MZ le 4 mai. Bon, cette semaine, vous avez quand même dévoilé un peu une part de la MZ. Bah oui. On est là pour ça. On va revenir aussi d'ailleurs sur le parcours de la MZ, sur les différentes sorties qu'il y a pu avoir. Mmh. On va se replonger sur les différents volumes qui sont sortis aussi. Ce qui vous a permis aussi de faire, je le disais, pas mal de scènes, d'aller à la rencontre du public, de voir cette famille grossir. Parce qu'on le voit, il y a une grosse team MZ, hein, les supporters qui sont là. Grosse dédicace à eux. Je leur passe un gros big up, toujours là, toujours présent quand il faut. C'est eux qui nous donnent le smile, qui nous donnent envie de continuer. On part sur quel morceau ou on revient sur quel morceau? Lune de Fiel. On revient sur Lune de Fiel. Ouais, parce que c'est un morceau qui a marqué celui-ci. Ah oui, et tout le monde a marqué. C'est même là, on peut pas. Si on, je sais pas si on a le droit de le dire nous-mêmes, mais on peut dire que c'est un classique un peu quand même, non? Eh ben on peut. On peut, non? On peut, regarde, on peut demander aussi dans aux gens qui la nous France, écoutent. Tu déplaces, tu demandes aux gens, Lune de Fiel, il y en a qui connaissent MZ aujourd'hui. Ouais, ouais. MZ, c'est vrai que le Blaze, maintenant on connaît. On connaît, mais à une époque, quand ce morceau il est sorti, les gens ils connaissaient Lune de Fiel sans le nom de MZ. Voilà. Ouais. Et dans 10 ans, on en reparlera, je pense. Ah bah, de toute façon, les classiques, c'est sur la longueur. C'est la longévité. Hein. Ouais. Demande à monsieur Mélo Philo qui est là. Qu'on n'a pas salué, ça va bien, Mélo? Ça va, impeccable. En pleine forme? Toujours. Est-ce que t'es content des petits gars? Je suis fier d'eux, du parcours et de la suite. Parce qu'on va aussi rappeler, évidemment, donc il y a Davidson qui est là aussi avec vous, qui est là dès le début. Mélo Philo, la dictature. Producteur manager, la dictature. Je vois, là, pour l'instant, il décroche un petit sourire, c'est que ça va. C'est que ça va. Ouais. Il a confiance en l'album, c'est pour ça. Mais pour revenir aussi, pour ceux qui vont vous découvrir, c'est vrai qu'il y a Davidson derrière vous, et puis à un moment, vous allez croiser le chemin de Zoxyn, Mélo Philo. C'est dans des ateliers d'écriture, hein, c'est ça, à l'époque, vous allez à un endroit qui s'appelle le 104 à Paris. On a été emmené une fois au 104 par Saxo, qui est un des piliers du rap, nous avait ramené une fois au 104. Et de là, on avait rencontré Zoxy. Et de cette rencontre, en fait, Davidson, il était resté en contact avec lui. Ils ont échangé, c'était quand? En 2009 Comme ça, ouais. 2009. On a échangé, il est resté en contact avec lui. Et ensuite, on a signé avec KDBZIC en 2012. Donc le label, ouais, KDBZIC. Ouais. Et toi, je te demandais qu'ils avaient depuis un moment, Mélo Philo, comment tu juges leur progression avec cet album qui sort lundi? Je trouve qu'ils ont plus de confiance en eux. sur scène. Pour ceux qui les ont pas encore vus, faut aller le voir parce que c'est vachement dynamique. Et il y a une bonne osmose dans le groupe, donc ça chante, ça kick. Bon, ça chante, ça kick, ça trouve des mélodies. En studio, ils sont autonomes, donc nous, on leur fait confiance. Y a pas de souci, quoi. Vous avez pas été déçu par les morceaux quand ils vous les ont écoutés régulièrement? Il y a pas eu de grosses discussions? Non, en fait, si tu veux, là, en réécoutant le remix là, que enfin le méga mix que vous avez fait, là, c'est comme ça fait un moment que j'ai pas écouté l'album. J'ai redécouvert et je me mets à la place des auditeurs. Là, je pense qu'ils vont bien kiffer. Au niveau des prods, bon, on en parlera aussi cette semaine. C'est vrai que les prods, ouais, y a un gros travail, on sent aussi, qui a été fait là-dessus, sur les arrangements, sur le côté aussi mélodie, sur plein de choses. Ouais, ces arrangements, on les fait depuis quand même. C'est bizarre que tu l'aies ressenti à Affaire de Famille. Peut-être c'est parce qu'on s'est mis en tête Ligue des Champions, hein, t'as capté. Après, peut-être. Peut-être. Quand tu parles des producteurs. C'est vrai que l'AMZ aussi, on a la chance d'avoir un producteur attitré qui est Equinox, qui a réalisé qui a produit 7 morceaux dans l'album. Et ensuite, on s'est ouvert aussi à d'autres beatmakers, à gauche, à droite, des gens qui nous envoient des prods et tout. Mais c'est vrai que le pilier, le cœur artistique du truc, du projet, même de nos projets précédents depuis qu'on a commencé à rapper, c'est Equinox. Lune de Fiel, par exemple. Ouais, Lune de Fiel, Enfermé dehors, Fonce D. Il y en a trop, frère, laisse tomber. Il y a Ma Substance, Évadé, il y a tout ça, il y a la West Coast, les Kendrick, ils ont leur Dr. Dre. Ah. Et vous avez Equinox. On a notre Equinox. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Et bon, bah écoutez, donc ce morceau, Lune de Fiel, tiens, regarde les gens qui disent ouais, c'est vraiment un classique, bravo les gars. Ouais, merci. Allez-y, 41759 pour les messages. Lune de Fiel, c'est ce qu'on écoute maintenant. Affaire de Famille le 4 mai. Le 4 avec mai dans les MZ. Des bad bitch très alléchantes, mes gars va se rendre désagréable. Et micro ta soirée, je tu commences à jouer à la meuf chiante. Écoute ma belle, on est toujours direct dans nos propos. J'sais que tu kiffes pas la mytho. Fini de fumer ce putain de bédo. Avant que je te mette ta part, enlève-moi tout le nœud que j'ai dans le dos. Tu sais, je suis pas là pour jacquer. Je veux juste fumer. Ton crâne, t'es de jacquer. Dans mon délire, je suis foncé. Le voisinage t'entendra crier toute la soirée. Par contre, tu casses tout le délire quand tu veux faire, tu sais. Baby, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, tease et baiser. On va juste fumer, tease et baiser. Non. D'abord tu vas me branler. Et n'oublie même pas de me sus. Ouais, t'inquiète, tu vas kiffer. Ok. Viens avec deux copines. J'serai avec Joe et Pim. Sera du Sprite, de la codéine. On sera le meilleur coup de votre vie sans doute. Bébé, vous serez plus en chaleur qu'en août. Pour le rap, pour le sexe, t'as confiance en nous. Donc vous viendrez comme des chiens en loup. On sera sous piave. Je sais que t'aimes sa copine. Une soirée inoubliable que tu raconteras à ta fille. Bébé, j't'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, tease et baiser. J'veux juste chicher, tease et prendre du plaisir. J'emmerde ma conscience, ma santé, je sais que tu me désires. Je veux que tu sois ma salope, poilie et ta bouche, la meilleure conseillère de mon zizi. J'suis fou, mais tu t'en fous, j'suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Et j'te monte en l'air sans jamais que t'atterris. J'veux la baiser sans le besoin de dire bébé. Et elle veut me baiser jusqu'à ce que je crie mes idées. Présente dans tes zones érogènes où j'en sais runo. Sûrement avec un plus gros dos, je m'en bats les couilles, c'est pas de ma faute. Bébé, je suis foncé. Rejoins-moi, accroche-toi car le septième ciel n'est pas loin. Ce soir. voir soir ma 8 neige, prête ton beau bif, fume mon tison baison toute la nuit. Vis cette nuit comme la dernière de ta vie, mouille les draps du lit, crie, réveille toute la ville. Je sens ton cœur qui bat vite, tes paupières palpitent, t'es tombé accro à moi, je suis ton héroïne. Ce soir, rien ne sert de trop parler, consomme-moi jusqu'à l'overdose. Tout ce qui se passe dans cette piole reste dans cette piole. Le vrai négro fait vraie chose, bébé, je t'attends. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. Bébé, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. On va dans la chambre, fumer, teaser, baiser. Bébé, je t'attends. MZ avec nous entre 20 et 21 et ce morceau donc qui s'appelle Lune de Fiel. Et aussi là aussi je tiens aussi à dire la voix additionnelle à la fin aussi, c'est Mallory qui est présente dans les locaux. Et bah qu'on salue. Oh, qui est là. Elle est là avec sa nouvelle coupe. Qui est là juste derrière. Elle a enlevé son manteau. Et donc ce morceau qui est comment dire l'hymne au plaisir. Hein. Ouais, franchement, c'est un morceau grâce auquel on a tourné, c'est grâce à ce morceau que beaucoup de gens nous ont découvert déjà. Mmh. Aujourd'hui il a 8 millions je crois de vues, bientôt 8 millions sur internet. C'est franchement un morceau qui s'est propagé du bouche à oreille et c'est lourd. Comment ça se passe en concert d'ailleurs ce morceau, celui-ci? Ah, des fois on peut poser le micro et le public ils sont par cœur. Hein. C'est vrai? Tu sais. Ah ouais, carrément. Ah, c'est chaud. Et en parlant de concert, on fait le Bataclan 3 décembre. Donc 3 décembre, ah bah voilà. Donc 3 décembre. Les places sont déjà en vente, on peut les trouver. Ouais. Ouais. On se retrouve là-bas. Donc 3 décembre, premier Bataclan pour vous en tête d'affiche, hein, je crois. Voilà, ouais. Exactement. À pas louper en concert si vous voulez réviser concert, tous les chaud, morceaux. Hein. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est chaud. Moi, on m'a parlé d'NTM et tout. Là, aujourd'hui, MZ, au concert, c'est très chaud. Vous mettez la barre haute, quoi, ouais, les non, gars. Tu devrais passer. Tu devrais... Donc, Champions League. Donc, 3 décembre, il faudra pas louper MZ en concert. Ouais. Et puis, en tournée, je suppose, il y a aussi plein d'autres dates un peu partout. On sera en tournée en toute la France. Rappelez aussi les adresses où on peut vous suivre, les gars, parce que je vois qu'il y a MZ officiel. Ouais, sur. En fait, tu vois, sur Facebook. Facebook, c'est MZ officiel. Sur Mzout, c'est MZ officiel. T'as juste à cliquer sur j'aime. Après, sur Twitter, c'est @MZGroup. Et sur Instagram aussi, pareil. @MZGroup. Et aussi, on tient à signaler aussi que dans les locaux, il y a aussi des artistes Davidson présents, de la dédicature, qui sont Marlo et Chiche. Mmh. C'est des gens qui sont toujours avec nous en tournée. Et c'est la meilleure collaboration possible qu'on ait trouvée en fait. Et là ils sont avec nous, on roule ensemble, c'est la même équipe. Et bon, on pourra peut-être c'est le découvrir aussi famille, dans affaire de famille. Dans la semaine aussi. Ouais, dans la semaine, vous allez le découvrir énervé. Et vous ferez un live tout à l'heure aussi. Ouais. Hein. Dans le bendo. Dans le bendo. Première affaire de famille. Alors vous, c'est quoi votre définition de bendo? Parce que je sais qu'il y a marrant, il y a Dossé qui a sorti un album. Vous avez entendu, il a fait aussi un morceau qui s'appelle bendo. Dans le bendo. Ouais. Vous, ça s'écrit différemment, j'ai vu hein, ouais, par rapport à lui, mais c'est on est différents, nous, déjà. C'est les petits, ils ont écrit. Les petits qui font le refrain, comme les petits qui sont dans le clip, c'est eux, ils ont choisi. Le terme, dans le bendo, c'est eux qui sont plus dans le bendo que tout le monde ici au quartier. À 10h du matin, tu les vois, ils jouent, ils sortent leur vélo, ils jouent au ballon, ils jouent au foot. À 22h, ils jouent, tu vois leur mère qui leur court après pour qu'ils rentrent. Ah, c'est eux, ils sont dans le bendo. Nous, dans le bendo, on est là, on est là de temps en temps. Donc c'est l'univers, c'est le quartier dans le bendo. Quartier. Voilà. C'est là où ça se passe. Vous le ferez en live, ce morceau, dans quelques minutes avant 21h. Bougez pas, de retour avec MZ juste après ça. Rihanna à l'instant sur Skyrock, le Planète Rap de la MZ. Entre 20h et 21h, Rihanna, c'est plutôt du goût de la MZ, non, Rihanna? Ouais, carrément. Je kiffe, moi. Moi, j'aime trop, moi. Je kiffe. Même comment, tu sais, en plus, elle sait chanter. Ouais, nous, en plus, elle a une qualité en plus. Elle a une qualité en plus, en fait. C'est chanté. Elle a des hits, la meuf, tu sais. Bah, MZ, écoute, on espère que pour l'album Affaires de Famille, pareil, hein, que des gros morceaux sur l'album. De toute façon, la musique, on la travaille. Comme là, on va balancer un morceau, Comment fermer dehors. C'est des musiques qu'on travaille afin que, qu'on puisse ramener de la. Afin qu'on puisse ramener de la bonne musique dans cet univers musical, c'est notre but. Et on sait que c'est pas dans ce bureau ici, tu vois ce que je veux dire. Mais après nous, notre objectif, c'est que toute la France nous écoute, qu'on puisse ramener de la bonne musique. Aussi, grâce à cette musique, qu'on puisse remplir nos frigos. Mmh. Après, ça passe aussi par des passages radio, tu vois. Mmh. Et c'est pour ça qu'on bosse ces musiques, en fait. Ouais, vous y allez dans quel état d'esprit en fait quand vous êtes en studio? Vous pensez voilà aux scènes, vous pensez à des morceaux? On pense à faire de la bonne musique. Ouais. On pense à faire de la bonne musique, à être satisfait d'abord. Il y a beaucoup de réflexions au sein du groupe avant d'attaquer un morceau ou on le fait au feeling. Ou c'est quand même assez spontané. Tout se passe au feeling. Tout se passe au feeling. Tout. Par exemple, cet album, vous l'avez bossé comment? Beaucoup en studio, où chacun venait avec ses petits bouts de texte en disant tiens, on pourrait faire ça. Chacun il vient avec ses petits bouts de texte en fait. Ouais. Chacun il vient avec son inspi, avec son truc, et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Et ça marche bien apparemment. Ça nous sert. Ça nous sert. Quand il pleut, ça nous sert grave. Et voilà, c'est ça. Et bon, on va écouter un morceau qui s'appelle donc Enfermé dehors. Enfermé dehors. Carrément. L'AMZ, vos messages aussi avec le hashtag MZ sur Skyrock. Nous sommes en TT, bravo. Oh, nickel. Les gars, je disais, il y a une grosse rappelé, Enfermé dehors, c'est une musique du volume 3. Ouais, ça c'était sur le volume 3, ouais. Voilà, c'était sur le volume 3. Et entre le volume 3, il y a eu le 3.5. Et bientôt l'album Affaires de Famille, le 4 mai. Donc, c'est dans 7 jours la sortie de l'album. On peut se permettre de balancer ça. Yeah. Ubix, réalisé par Ubix. Ouais. J'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte, à mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte, à mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors, enfermé dehors, enfermé dehors, enfermé dehors. Je suis enfermé dehors, dans les coins les plus hardcore. Le temps que je m'évade ouvre la porte, regarde mon corps en pleurs encore. Yeah. Ouvre-moi le temps d'une chanson, je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé dehors. J'aimerais voir d'autres horizons, j'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé dehors. Big up à tous nos frères enfermés, je suis fatigué dehors. C'est chaud, mais je suis prêt. Hiver comme été, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué dehors. C'est chaud, okay. Mais je suis prêt. Hiver comme été. Dehors, break dans l'estomac, shit dans le calbar, loin de la mama. J'écoute ma paranoïa, donc ma confiance, elle est à out dans le coma. Pour le moment, faut de la monnaie. Les mini montent les monuments, la rage dans les molaires. Genre le soir, enfermé dans le 2-6, chicha de la guerre pour mes soldats. La rue, c'est pas ma mère, c'est qu'une pute que j'utilise. Et pour la porte de sortie, j'suis un itinéraire indécis. Cette femelle veut de moi, mais rien que la justice me demande. J'ai le cœur en or pour ceux que j'aime. Tony, t'as bien fait, tu manies. La rue, c'est pas ce que tu crois. Ma sécu ne sera jamais aux mains d'une. Que Dieu me préserve de prendre perpète. Joker honnête et moi j'aime pas les Maman faut me croire quand je dis que je suis désolé d'être tombé dans le panneau. Au lieu de shooter des gueules, j'aurais simplement dû shooter le ballon. Yeah. Ouvre-moi le temps d'une chanson, je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé dehors. J'aimerais voir d'autres horizons, j'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé dehors. Laisse-moi rentrer, je te jure, je suis fatigué dehors. C'est chaud, mais je suis frais. Hiver comme été, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué dehors. C'est chaud, mais je suis frais. Hiver comme été. Pour mes négros, tu es pour mes négros. Joue avec mes négros, je fais de la musique pour mes négros. Pour mes négros, tu es pour mes négros. Joue avec mes négros. j'étais enfermé dehors. Je voudrais placer un bon anniv à Perrine, je sais pas c'est t'as quel âge, mais vas-y, ça fait plaisir. C'est un message qui arrive. Et il y a quelqu'un qui a dit là tout de suite, je dis dans un son que Mariana cette pute chante cool et je dis que je l'aime bien. Mais bien sûr, elle chante cool, mon sauce. Mais là, frère, bien sûr, je l'aime bien, Rihanna, frère. Il y a pas de souci. Qui n'aime pas Rihanna? En plus, elle est trop bonne, mon sauce. T'es chelou, toi. On a tous un moment ou un autre une raison d'aimer Rihanna. Ouais. Ah ben. Bah, cette gens, de toute façon, elle, quand elle vient ici, elle parle pas de nous. Donc nous, on va parler de nous, là. Mais qui sait, qui sait, qui sait. Enfermé dehors, c'est une prod qui a été faite par Equinox. C'était sur le volume 3. Hein, le volume 3. Qui est toujours dispo d'ailleurs, qu'on peut toujours trouver. Qu'on peut toujours trouver dans les bagues ou bien en téléchargement légal. Et le clip qui a été réalisé par Ayoub, Youbix, qui aussi a bossé avec nous pour un futur single extrait de Affaires de Famille, qui est Un Noir tue un autre noir. Il a réalisé aussi ce clip et. On en reparlera peut-être dans la semaine aussi, des différents thèmes aussi qui sont abordés sur l'album Affaires de Famille. Ouais. MZ avec nous et je vous présente Kaina Style de Savigny-le-Temple. Ouais, c'est ça, Savigny-le-Temple. Ça va, tu connais la MZ? Ouais, bah oui, depuis un moment. Depuis un moment, tu les suis. Tu sais quand sort leur album? Bah, le 4 mai, mais ça, tout le monde le sait. Hein. T'as capté. C'est bien, Kaina Style. Entre Instagram, Snapchat, tout ça, on a tous capté que c'est le 4 mai. Ah oui, on bombarde. Ah, ça bombarde. Donc, c'est le 4 mai, c'est dans une semaine, et toi, bah, 7 jours avant, tu viens rapper dans l'émission, c'est l'heure du freestyle par téléphone. C'est ça. Et bon, t'écoutes, c'est parti. Ok. Kaina Style. La rap de jour comme de nuit, tu connais les bails, ici c'est Paris. Montre-moi comment tu parles, je te montre comment on agit. Ok. T'as rap de jour comme de nuit, tu connais les bails, ici c'est Paris. Montre-moi comment tu rappes, je te montre comment on agit. Ok. Kaina, c'est dans blague, je pouvais pas faire mieux. Ta vie est ennuyante, t'es le nom précoce, donc choisis mieux. Tu t'es fait pour casse par ton bigot, par le peu. Kaina, Mr. Genjutsu, on crame leur petit jeu. Quand t'es libat, tu es célibataire, tu meurs à petit feu. Ken, 2-3 Barbie, et fais ça un peu mieux. Sans fontaine de flow, là c'est trop, faut que je modère un peu. C'est vulgaire cru, parce que la banlieue m'a sali un peu. Sur les uns, sur les autres, ça jacte. Mais sache que pas que les nuages qui bouffent des chattes. Au passage, t'embrasses à mon nez pour moi. Oups, y'a encore coup de basse de chat. Oh. Ça rappe de jour comme de nuit, tu connais les bails, ici c'est Paris. Montre-moi comment tu rappes, je te montre comment on agit. Tu connais les bails, moi c'est Kaina Style. Ça rappe de jour comme de nuit, tu connais les bails, ici c'est Paris. Montre-moi comment tu rappes, je te montre comment on agit. Tu connais les bails, moi c'est Kaina Style. Kaina, yes. Style. Il n'y a pas que les mouches qui bouffent des chattes, non, franchement, lourd. Hein. Oui, c'était très poétique. C'était une belle image. Punchline. Ça, c'est à force de vous écouter hein, que je rappe comme ça. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Kaina? Je sais pas. Il y a que toi qui sais. Bon, t'as des petites dédicaces, on peut te retrouver quelque part, vas-y, balance toutes les infos. Ouais, qu'il faut on peut savoir. Me retrouver sur Facebook, ma page c'est Kaina Style, tout simplement K-A-E-N-A, plus loin, Style. Après, pareil pour le Snapchat, c'est la même chose. Et l'Instagram, c'est pareil. Et je vais faire une dédicace à Jenny Ndogo, à mon petit frère, ma petite sœur, et à Abdou Mazo, tous ceux que j'oublie, l'équipe Kofea et Iwen. Voilà. Et bah, ça roule, bisous, Kaina Style. Et dédicace à la MZ, rendez-vous le 4 mai. Et le 3 décembre, je serai là. Tu as entendu? C'est au Bataclan. Ouais, mais je sais, je suis là le 3 décembre, c'est bon, je suis là. C'est sûr, carrément. Trop fort, là, j'ai pris les places, Kaina. Elle est forte. On te fait un bisou, passe une bonne soirée, Kaina. Bonne soirée. On passe le titre inédit maintenant, messieurs, ou on attend encore un petit peu? On passe à Wesh les puristes. Wesh les puristes. Donc extrait ça, c'est de famille. Donc ça, c'est un morceau inédit. Le 4 mai. Ça, il y a un clip qui sort ce soir à 21h. Donc le clip sera dispo tout à l'heure à partir de 21h. Featuring avec Marlo. Voilà. Featuring avec Marlo. Réalisé par Mister Jules. Qui est là, qu'on peut pas louper d'ailleurs dans ce gang-riche. On le loupe pas, du gang-riche. C'est là que ça devient chaud. Donc on écoute ce morceau, on en parle juste après, puis il y aura le live aussi de le MZ. Clip à 21h, pas de soucis. Le clip à 21h. Affaire de famille, le 4 mai dans les bacs. Wesh les puristes. Ah, j'en vois tellement qui font du lourd. Hashtag peste comme un cafard. Les petits sont plus teubés que nous, mais ce à cause de nous, je suis né en tant que bâtard. J'aime les meufs alors, tu préfères ton jaillet sur Pifa Slatan. Bisous à mon ex, moi pour le retrouvailles, je dis bonjour Shazam.

Voilà. Donc on peut les avoir ceux-là. Si on prend tout de suite l'album, on les a, voilà, on les récupère. Tu sais, aujourd'hui. Tu sais, j'ai envie de te dire, Fred, je crois qu'on va sortir l'album de l'année musicalement. Je pense. Ah ouais? Ouais, ah. Musicalement, ce sera l'album de l'année, je pense. Rap. J'espère. Je suis sûr de ce que je dis. Formel, ils auront l'oreille. Et bah dites-nous vous aussi ce que vous pensez de la MZ, vos messages avec le hashtag MZ sur Skyrock. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? Ouais, toujours. Toujours chaud. On y va, on attaque? On est carrément dans le bendo. C'est le morceau dans le bendo que vous allez faire, qu'on retrouve aussi sur l'album. Un morceau que vous pouvez avoir tout de suite si vous cliquez, si vous téléchargez l'album légalement. Ouais, sur iTunes. MZ dans le bendo, c'est parti. Si, yeah. Si. Je suis carrément trop dans le bendo. Cloué au micro. Je veux les mêmes baskets que mes grands frères pour la rentrée. Ah ouais. Je représente mon bloc même dans la cour de récré. À chaque retour de vacances quand on me demande où j'étais, ah ouais. J'ai bouffé l'été au quartier. J'ai squatté Paname d'où l'été. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Je suis dans le bloc, avec dans le froc quelques blocs. Passe me voir, un de ces quatre que je débloque. La routine me tue, la police fait zouk et le bétume. Devant l'OPJ, je m'appelle têtu. Les gosses me trouvent chaud, je rejoins mon bébé qui me trouve chou. Pas tellement cachard mon machin, sur la file de gauche. Sans col de la route, je roule, je laisse mes problèmes à demain. Et direct sur le bendo, bendo. Bien avant l'époque de la Nintendo. Bien avant les totalistes, pareil, je suis spé. J'ai le sens chaud, je joue pas au paintball. Les petits me prennent pour exemple, mais par exemple. Je m'énerve pour rien alors que j'ai pas raison. C'est les voisins qui se plaignent, les négros qui testent. Disons que j'ai pas voulu faire leur connaissance. Ils veulent faire la même coupe que moi pour la rentrée. Ils représentent mon bloc même dans leur cour de récré. À chaque fois quand on me demande où j'étais, j't'ai fait ma musique pour espérer sortir. Bam, bam, bam, bam. Dans le bendo. J'suis dans le bendo. Dans le bendo. J'suis dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Ça sort le 4 mai. Dans le bendo. J'suis dans le bendo. J'ai de la white, je veux m'en débarrasser. Je te cache pas qu'elle est coupée. Et j'ai de la caille, je crois pas que tu voudrais la goûter. Je me détruis, ma chère elle m'a goûté. Je suis posé au lit d'air avec chavot. Y'a date car on prépare les coups. J'ai pas le temps, je dois faire des sous. Des sons de cœur, je m'en bats les couilles. Jack dans la tête de coca corsé. Yass dans ma poche que je vais dépenser. Je vais, la ZV toujours se sont forcés. 9000 pour les faire danser. Je roule, je fais des tours de pâté. Ralbert Rudine et Réunion pâté. Je mate le gros bout de tout cet aspect. Jeune peu frais et mes nagas font passer. Dans le bando comme dans le rap, et si ça marche pas, on s'inquiète pas. Par contre, tu seras par Tommy. On gère les flots comme la coque et les quêtes de plat. On est dans le bendo, bendo. Avec les tasses du bendo, bendo. David, on est dans le bendo, bendo. T'as des bises que dans le bendo, bendo. Je veux les mêmes baskets que mes grands frères pour la rentrée. Je représente mon bloc même dans la cour de récré. Ouais. À chaque retour de vacances quand on me demande où j'étais, dédicace à tous les petits du bendo. Dans le bendo, je suis dans le bendo. Dans le bendo, je suis dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo, je suis dans le bendo. Dans le bendo, dans le bendo, je suis dans le bendo. Plus la compète est malsaine, plus je l'aime. Je te nique ta mère comme Joe et Cool Chain. On check les arracheurs de chaîne, rêve tous les jours de croiser la route à Two Chains. Big Daddy, Khalifa ferait le bonheur de mes dealers. Big Daddy, Mayweather de mes braqueurs. Big Daddy, ça pue la merde dans le secteur. Pour ça qu'il faut du beef pour fuir le secteur. Même ton producteur sait que c'est nous les meilleurs. MC16 de jeu le haters. Je rentre dans le game, l'index est calé sur le trigger. Le canon pointé vers ses rappeurs. Big bébé dans le bendo. Je suis dans le bloc avec Ousmane et Dembo. Torse de barbu à la Kimbo. Ta pute me guette, je me la pète comme une bimbo. On vit dans le ghetto, on est sur très tôt. On a vendu de la dope, on n'est pas des mythos. Les keufs prennent en photo, mes potos. Mais la zone, on contrôle comme Dikebe Mutombo. On s'écrit dans le check, ils sont comme dans un tank. Comme dans la schneck de la sœur à Tatan. Le diamant tourne autour et les fantômes me hantent. Je suis dans le bendo, qu'il neige ou qu'il vente. Je suis même basket que mes grands frères pour la rentrée. Je représente mon bloc même dans la c'est là où c'est chaud. À chaque retour de vacances quand on affaire de famille, le 4 mai dans les bacs. Restez au capté ou pas. Madame tous les deux dans le bendo. J'suis dans le bendo. Dans le bendo. J'suis dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Dans le bendo. Brrr. MZ. MZ est dans le bendo à l'instant. Ouais, toujours dans le bendo. Avec la chorale qu'on peut saluer, hein, avec vous. Ouais, on peut dédicacer Mamadou, Amé, Zoumana, Bizot, Dylan, Benji, Benjamin, ouais, Chloé, Abou. Ouais, Chloé, Abou, Nassaratou, toute la clique. La clique, tous les petits du bendo. C'est les petits du bendo, la petite chorale du bendo. Ouais, voilà, c'est ça. À l'instant, extrait de l'album MZ, Affaire de famille, qui sort lundi dans 7 jours maintenant la sortie. Le clip qui arrive dans, allez, une grosse dizaine de minutes maintenant. Ouais, le clip, Wesh les puristes, qu'on a passé auparavant. Toujours issu du projet Affaire de famille le 4 mai. Et le projet à découvrir toute la semaine. Juste avant de se quitter pour ce soir, on va faire tourner la roulette. C'est parti. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planète Rap 2015 et un bon d'achat de 60 euros. Skyrock. Skyrock. Isiana, dans le 59, ça va bien, Isiana? Ouais, ça va, ça va. Je te présente la MZ. Ils sont là avec nous. Ouais, vous déchirez. Hein. C'est vrai. Ah, merci, c'est gentil. Tu suis la MZ toi aussi, Isiana? Ouais, bah ouais. Tu as bien retenu aussi quand sort l'album? Elle le sait. Comment? Tu as bien retenu aussi quand sort l'album? Non, j'allais te faire un bisou. Tu vois? J'ai dit, elle le sait, putain. J'allais te faire un bisou. Je vous le dis, il faut le rappeler, c'est lundi prochain, le 4 mai. Affaire de famille dans les bacs le 4 mai, lundi prochain. 4 mai, ici, Yana. Ok, ça marche. Maintenant, t'as à propos. Allez, on y va, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, la roulette tourne. Stop! Ça rigole pas, ici, Yana, faut que ça trace vite. Et ben voilà, pour toi c'est la compile Planète Rap, et 60 euros en bon d'achat. Tu pourras acheter quelques albums de l'MZ. Merci l'équipe. C'est pour toi, tu peux acheter absolument ce que tu veux avec les 60 euros. On t'envoie ça rapidement dans le 59, Isiana. C'est super, bah, c'est gentil. Petite dédicace, petit message, petit. Bah, à mon chéri, à ma soeur, et puis à tout le monde, toute ta famille, et à Lucie Valentina B aussi. Et ben ça roule, bisous, Isiana. Si, bisous. Au revoir. Oui. Ciao, ciao, passe une bonne soirée. Merci pour cette première soirée, la MZ. Merci à tous. Demain de retour. Merci à vous, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Franchement, ça fait plaisir. Merci à tout le monde, quoi. Flopée de messages qui sont arrivés. On va rappeler quand même 2-3 trucs. C'est que l'album, évidemment, c'est le 4 mai. Ouais. Ça s'appelle Affaire de famille. Ouais. Qu'il y aura un concert, vous l'avez annoncé, à Paris. Alors, ça sera un peu plus tard, mais il faut prendre les places vite, à mon avis. Le 3 décembre. Au Bataclan. Les places sont déjà en vente, vous pouvez les récupérer pour aller voir la MZ en concert. Et pour vous suivre, c'est MZ officiel ou le @MZ Group sur Twitter, sur Instagram. Voilà. Avec des petites images inédites, des petites photos, voilà. Des petits moments de partage. Voilà, des moments de partage. Et la dernière chose. Et là, il y a Wesh les puristes, voilà. Qui va sortir à 21h. Ça, c'est dans 10 minutes. Le compte à rebours est lancé. Soyez nombreux à aller cliquer, à découvrir le clip donc qui sort dans une dizaine de minutes maintenant. Le clip complètement défoncé. Ne bougez pas, dans un instant on va aussi revenir avec Difou de la radio. Merci à vous en tout cas, la MZ. Petit dernier message à passer, petite dernière dédicace. Voilà les petites dédicaces. On a toute la semaine. La semaine, on va prendre le temps. Merci Mélophilo d'être passé aussi. Mais de rien. Et Davidson qui est là, qui a pas bougé de son coin. Ah ouais, la dictature. Elle est dans son coin, ça parle pas. C'est bien passé pas. Quand même, content ou pas Davidson? Très bien. Ça bosse grave. Il est comme ça en studio aussi Davidson, un petit sourire comme ça, ouais, très bien. Attention Davidson, c'est un mec cool hein. Mais ça se voit. C'est un mec très cool hein, c'est ouais. Toi tu. Mais c'est pour ça. C'est peut-être pour ça aussi que la musique elle est bonne. Parce qu'il faut le satisfaire le Davidson, il faut le faire sourire. Ah ouais, laisse tomber. Tu vas pas commencer avec le smile. Et un petit sourire en coin, ça va. Merci à vous, on se retrouve demain un petit peu avant 20h sur Skyrock pour la suite du Planète Rap avec la MZ. Et là, il est grand temps de retrouver toute l'équipe de la Radio Libre. Tifoul, c'est parti. Et oui, Fredo, yes. On est là. Salut Fredo. Salut. Et rendez-vous demain pour Planète Rap. Et la spéciale démarre dans un instant avec. For real. Going down for real et toute l'équipe qui débarque pour la Radio Libre. La première Radio Libre de la semaine. Attention. Ce soir, élection du pervers le plus chaud depuis le début de l'année 2015. C'est bon ça. C'est pour vous, mais pas que. Hein. On aura du clash, on aura plein de choses à faire ce soir. On en reparle tout de suite. Radio Libre jusqu'à minuit. Toute la journée sur Skyrock.